avec des scies on coupe du bois. Et comme un détenu, moi j'ai trop cogité. J'en ai coupé plus que prévu, des imprévus j'en ai vécu beaucoup trop ces derniers temps. À mon âge, rencontrer ton daron et tes grands-parents, tes cous et tes tantes, c'est inoubliable c'est sûr, l'écrire c'est dur. Puis y'a pas que ça, de façon c'est un tout. Jusqu'à présent je pensais que n'étais qu'un dur. À 23 ans, je me rends compte que je suis aussi hindou. Et c'est ainsi sans doute que cela devait se passer. Cela se passa de façon sensée. Alors par quoi commencer? Pour dire bonjour, on dit namasté. On mange avec les doigts dans les feuilles le karima salé. Oui, avec les doigts dans les feuilles de bananier. Le riz, les grosses marmites, des épices de ouf dans le saladier. Et j'ai vu mon cousin choqué de me voir manger du bœuf. Parce que pour eux la vache est sacrée. Oui, j'en ai appris des choses. Jusqu'à présent, je n'étais pas sûr. Mes origines dans le flou. Mais je loue, s'te plaît, dis-moi maman, mais moi je viens d'où? Mes origines dans le flou. Savoir où tu vas sans savoir qui tu es. Maman, dis-moi je viens d'où? Oui, dis-moi je viens d'où? Jusqu'à présent je n'étais qu'un dur. À 23 ans j'apprends que je suis aussi hindou. Oui, ça y est, maintenant je sais, je viens d'où? Je suis aussi hindou. Mon père il est parti, je devais avoir 7-8 mois. Loin de cette culture, je voulais dire à mes racines, excusez-moi. Ma mère d'origine italienne m'élèvera seule, avec l'aide de ma grand-mère, et elle me cachera ses pleurs. Et un beau jour, grâce à internet, mes tantes prennent contact et disent qu'elles rêvent me connaître. Elles se cotisent pour me prendre un billet. J'arriverai fin décembre, ce sera notre cadeau de Noël. Et j'y suis allé, j'ai passé, comment dire, mon frère, un mois inoubliable. La réunion, on se réunit, famille nombreuse, on dévisse les portes et on s'en sert de table. Et j'ai appris notre histoire, mes ancêtres venus de l'Inde en réunion à cause de l'esclavage. Mon grand-père m'expliqua l'aide qu'apportait Mitterrand, m'a appris à quel point pour lui il était grand. Il m'a aussi dit au pays, elle n'a pas de mots, la misère, que l'Inde est un immense bidon vide sans filière. Que quasiment tout le pays était démuni. Les petits font la manche aux touristes façon Slumdog millionnaire. Jusqu'à présent je n'étais pas sûr. Mes origines dans le flou. T'es chelou s'te plaît dis-moi maman mais moi je viens d'où? Mes origines dans le flou. Savoir où tu vas sans savoir qui tu es. Maman dis-moi je viens d'où? Oui dis-moi je viens d'où? Jusqu'à présent je n'étais qu'un dur. À 23 ans j'apprends que je suis aussi hindou. Oui ça y est maintenant je sais je viens d'où. Je suis aussi hindou. Ce que j'ai dans le cœur, dans le corps, je grave ces mots. J'ai peur si je deviens Alzheimer. Gros je réécouterai ce morceau. Je me rappellerai peut-être pas de mes efforts. Fais-moi part de mes qualités, part de mes défauts. Rappelle-moi ces moments où on a eu tort. Puis ceux où tu m'as vu en pleurs. Ceux où tu m'as vu faire des actions en or. Puis ceux où tu m'as vu en sueur. Et de toute façon, j'aurais beau passer des heures à écrire. Au fond, je sais très bien que je ne pourrais pas tout dire. Y'a des moments qu'on vit qui sont indescriptibles. Et dans mon crâne, j'espère qu'ils resteront indélébiles. Mon père est noir, ma mère est blanche. J'aurais pas le temps d'écrire tout dont je me rappelle ni tout ce que je pense. Et je les ai vus marcher sur le feu, leur tradition, leur religion, faisant des sacrifices envers leur dieu. J'ai même vu des combats de coqs, des trucs terribles comme la venue dans le quartier du marchand de glace. Puis j'ai vu mon père ravagé par l'alcool, placé avec des fous, et là j'ai pleuré jusqu'à ma race. Jusqu'à présent je n'étais pas sûr, mes origines dans le flou. T'es chelou s'te plaît dis-moi maman mais moi je viens d'où? Mes origines dans le flou. Savoir où tu vas sans savoir qui tu es. Maman dis-moi je viens d'où? Oui dis-moi je viens d'où? Jusqu'à présent je n'étais qu'un dur. À 23 ans j'apprends que je suis aussi hindou. Oui ça y est maintenant je sais je viens d'où. Je suis aussi hindou. Jusqu'à présent je n'étais pas sûr. Mes origines dans le flou. T'es chelou s'te plaît dis-moi maman mais moi je viens d'où? Mes origines dans le flou. Savoir où tu vas sans savoir qui tu es. Maman dis-moi je viens d'où. Oui dis-moi je viens d'où. Jusqu'à présent je n'étais qu'un dur. À 23 ans j'apprends que je suis aussi hindou. Oui ça y est maintenant je sais je viens d'où. Je suis aussi hindou.